La cité de Dieu de Saint Augustin, livre 16e, de Noé à David. Édition Charpentier 1855, tome 3e. Traduction par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 15. Du temps de promission où Abraham sortit de Cara, d'après l'ordre de Dieu. L'Écriture, après avoir parlé de la mort de Taré, père d'Abraham, ajoute, et Dieu dit à Abraham, sortez de votre pays, de votre parenté et de la maison de votre père. Genèse 11, 1. Il ne faut pas penser que cela soit arrivé dans l'ordre qu'elle rapporte, cette opinion donnerait lieu à une difficulté insoluble. En effet, à la suite de ce commandement de Dieu à Abraham, on lit dans la Genèse, Abraham sortit donc avec Lot pour obéir aux paroles de Dieu, et Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Cara. Genèse 11, 4. Comment cela se peut-il, si la chose arriva après la mort de Taré? Taré avait 70 ans quand il engendra Abraham. Si l'on ajoute les 75 ans qu'avait Abraham lorsqu'il partit de Cara, on a 145 ans. Taré avait donc cet âge à l'époque où son fils quitta cette ville de Mésopotamie. Ce dernier n'en sortit donc pas après la mort de son père, qui vécut 205 ans. Il faut entendre dès lors que c'est ici une récapitulation assez ordinaire dans l'Écriture, qui, parlant auparavant des enfants de Noé, après avoir dit, Genèse 10, 31, qu'ils furent divisés en plusieurs langues et nations, ajoute, toute la terre parlait un même langage. Genèse 11, 1. Comment était-il divisé en plusieurs langues, si toute la terre ne parlait qu'un même langage, sinon parce que la Genèse reprend ce qu'elle avait déjà touché? Elle procède de même dans la circonstance qui nous occupe. Elle a parlé plus haut de la mort de Taré, Genèse 11, 31, mais elle revient à la vocation d'Abraham, qui arriva du vivant de son père, et qu'elle avait omise pour ne point interrompre le fil de son discours. Ainsi, lorsqu'Abraham sortit de Cara, il avait 75 ans, et son père 145. D'autres ont résolu autrement la question, selon eux, les 75 années de la vie d'Abraham doivent se compter du jour qu'il fut délivré du feu où il fut jeté par les Chaldéens pour ne vouloir pas adorer cet élément, et non du jour de sa naissance, comme n'ayant proprement commencé à naître qu'alors. Cette solution du problème est celle de Saint Jérôme. Mais Saint Étienne dit, touchant la vocation d'Abraham, dans les Actes des Apôtres, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Cara, et lui dit, sortez de votre pays, et de votre parenté, et de la maison de votre père, et venez en la terre que je vous montrerai. Actes des Apôtres, 7, 2, 3. Ces paroles de Saint Étienne font voir que Dieu ne parla pas à Abraham après la mort de son père, qui mourut à Cara, où Abraham demeura avec lui, mais avant qu'il habitât cette ville, bien qu'il fût déjà en Mésopotamie. Il en résulte toujours qu'il était alors sorti de la Chaldée, et ainsi ce que Saint Étienne ajoute, alors Abraham sortit du pays des Chaldéens et vint demeurer à Cara. Actes 7, 4, ne montre pas ce qui arriva après que Dieu lui eut parlé, car il ne sortit pas de la Chaldée après cet avertissement du ciel, puisque Saint Étienne dit qu'il le reçut dans la Mésopotamie, mais se rapporte à tout le temps qui se passa depuis qu'il en fut sorti et qu'il eut fixé son séjour à Cara. Ce qui suit le prouve encore. Et après la mort de son père, dit le premier martyr, Dieu l'établit en cette terre que vos pères ont habité et que vous habitez encore aujourd'hui. Il ne dit pas qu'il sortit de Charan après la mort de son père, mais que Dieu l'établit dans la terre de Canaan après que son père fut mort. Il faut dès lors entendre que Dieu parla à Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant de demeurer à Charan, où il vint dans la suite avec son père, conservant toujours en son cœur le commandement de Dieu, et qu'il en sortit la 75e année de son âge et la 145e de celui de son père. Saint Étienne place son établissement dans la terre de Chanaan, et non sa sortie de Charan, après la mort de son père, parce que son père était déjà mort, quand il acheta cette terre et commença à la posséder en propre. Ce que Dieu lui dit, sortez de votre pays, de votre parenté et de la maison de votre père, bien qu'il fût déjà sorti de la Chaldée et qu'il demeura en Mésopotamie, ce n'était pas un ordre d'en sortir de corps, car il l'avait déjà fait, mais d'y renoncer sans retour. Il est assez vraisemblable qu'Abraham sortit de Charan avec sa femme Sarah, et Lot, son neveu, pour obéir à l'ordre de Dieu, après que Nachor eut suivi son père. Chapitre 16. Des promesses que Dieu fit à Abraham. Il faut parler maintenant des promesses que Dieu fit à Abraham et où apparaissent clairement les oracles de notre Dieu, c'est-à-dire du vrai Dieu, en faveur du peuple fidèle annoncé par les prophètes. La première est conçue en ces termes, le Seigneur dit à Abraham, sortez de votre pays, de votre parenté, et de la maison de votre père, et allez en la terre que je vous montrerai. Je vous établirai chef d'un grand peuple, je vous bénirai, et rendrai votre nom illustre en vertu de cette bénédiction. Je bénirai ceux qui vous béniront, et maudirai ceux qui vous maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en vous. Genèse 12, 1. Il est à remarquer ici que deux choses sont promises à Abraham. L'une, que sa postérité possédera la terre de Chanaan, ce qui est exprimé par ces mots. Allez en la terre que je vous montrerai, et je vous établirai chef d'un grand peuple. Et l'autre, beaucoup plus excellente et qu'on ne doit pas entendre d'une postérité charnelle, mais spirituelle, qui ne le rend pas seulement père du peuple d'Israël, mais de toutes les nations qui marchent sur les traces de sa foi. Or, celle-ci est renfermée dans ces paroles. Toutes les nations de la terre seront bénies en vous. Eusèbe pense que cette promesse fut faite à Abraham la 75e année de son âge, comme s'il était sorti de Charan aussitôt qu'il l'eut reçu. Et cette opinion a pour but de ne point contrarier la déclaration formelle de l'Écriture qui dit qu'Abraham avait 75 ans quand il sortit de Charan, Genèse 12, 4, mais si la promesse en question fut faite cette année, Abraham demeurait donc déjà avec son père à Charan, attendu qu'il n'en eût pas pu sortir, s'il n'y eût été. Cela n'a rien de contraire à ce que dit saint Étienne. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant de demeurer à Charan, Actes des Apôtres 7, 2. Il s'agit seulement de rapporter à la même année la promesse de Dieu à Abraham qui précède son départ pour Charan et son séjour en cette ville et sa sortie du même lieu. Nous devons l'entendre ainsi. Non seulement parce que Zeb, dans sa chronique, commence à compter depuis l'an de cette promesse et montre qu'il s'écoula 430 années jusqu'à la sortie d'Égypte, époque où la loi fut donnée, mais aussi parce que l'apôtre saint Paul, Galates 3, 17, suppute de la même manière. Chapitre 17. Des trois monarchies qui florissaient du temps d'Abraham, et notamment de celle des Assyriens. En ce temps-là, il y avait trois puissants empires où florissait merveilleusement la cité de la terre, c'est-à-dire l'assemblée des hommes, qui vivent selon l'homme, sous la domination des anges prévaricateurs, savoir, ceux des Sicyoniens, des Égyptiens et des Assyriens. Celui-ci était le plus grand et le plus puissant de tous, car Ninus, fils de Bélus, avait subjugué toute l'Asie, à la réserve des Indes. Par l'Asie, l'Asie mineure, qu'on appelait quelquefois l'Asie tout court, je n'entends pas parler de celle qui n'est maintenant qu'une province de la seconde partie de la terre, ou, selon d'autres, de la troisième, mais de cette troisième partie elle-même, le monde étant ordinairement partagé en trois grandes divisions, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, qui ne forment pas au reste trois portions égales. L'Asie s'étend du Midi par l'Orient jusqu'au Septentrion. Au lieu que l'Europe ne s'étend que du Septentrion à l'Occident, et l'Afrique de l'Occident au Midi, de sorte qu'il semble que l'Europe et l'Afrique n'occupent ensemble qu'une partie de la Terre et que l'Asie toute seule occupe l'autre. Mais on a fait deux parties de l'Europe et de l'Afrique, à cause qu'elles sont séparées l'une de l'autre par la mer Méditerranée. En effet, si l'on divisait tout le monde en deux parties seulement, l'Orient et l'Occident, l'Asie tiendrait l'une, et l'Europe et l'Afrique l'autre. Ainsi, des trois monarchies qui existaient alors, celle des Sicyoniens n'était pas sous les Assyriens, parce qu'elle était en Europe. Mais comment l'Égypte ne leur était-elle pas soumise, puisqu'il était maître de toute l'Asie, aux Indes, près? C'est donc principalement dans la Syrie que florissait alors la cité de la terre, cité impie dont la capitale était Babylone, c'est-à-dire Confusion, nom qui lui convient parfaitement. Ninus en était roi et avait succédé à son père Bélus, qui avait tenu le sceptre 65 ans, lui-même régna 52 ans, et en avait déjà régné 43 lorsqu'Abraham vint au monde, c'est-à-dire environ 1200 ans avant la fondation de Rome, qui fut comme la Babylone d'Occident. Note. Dans tous ces développements historiques, saint Augustin suit la chronique de Zèbe. Chapitre 18. De la seconde apparition de Dieu à Abraham, à qui il promet la terre de Canaan pour lui et sa postérité. Abraham sortit donc de Charan la 75e année de son âge, et la 145e de celui de son père, et passa avec Lot, son neveu, et sa femme Sarah, dans la terre de Canaan jusqu'à Sichem, où il reçut encore un avertissement du ciel, que l'Écriture rapporte ainsi. Le Seigneur apparut à Abraham, et lui dit, « Je donnerai cette terre à votre postérité. » Genèse 12, 7. Il ne lui est rien dit ici de cette postérité qui devait le rendre père de toutes les nations, mais seulement de celle qui le rendait père du peuple hébreu, c'est en effet ce peuple qui a possédé la terre de Canaan. Chapitre 19. De la pudicité de Sarah, que Dieu protège en Égypte, où Abraham la faisait passer, non pour sa femme, mais pour sa sœur. Lorsqu'ensuite Abraham eut dressé un autel en cet endroit, Genèse 12, 7, et invoqué Dieu, il alla demeurer au désert, d'où, pressé de la faim, il passa en Égypte. Là il dit que Sarah était sa sœur, ce qui était vrai parce qu'elle était sa cousine germaine, de même que Lot, qui le touchait au même degré, est aussi appelé son frère. Il dissimula donc qu'elle était sa femme, mais il ne le nia pas, remettant à Dieu le soin de son honneur, et se gardant comme homme, des insultes des hommes. S'il n'eût pris en cette rencontre toutes les précautions possibles, il aurait plutôt tenté Dieu que témoigner sa confiance en lui. Nous avons dit beaucoup de choses à ce sujet en répondant aux calomnies de Faust le Manichéen, livre 22, chapitre 36. Aussi arriva-t-il ce qu'Abraham s'était promis de Dieu, puisque Pharaon, roi d'Égypte, qui avait choisi Sarah pour épouse, frappé de plusieurs plaies, la rendit à son mari. Genèse 12, 20. Loin de nous la pensée que sa chasteté ait reçu aucun outrage de ce prince, tout portant à croire qu'il en fut détourné par ses fléaux du ciel. Chapitre 20. De la séparation d'Abraham et de Lot, qui eut lieu sans rompre leur union. Lorsqu'Abraham fut retourné d'Égypte dans le lieu d'où il était sorti, Lot, son neveu, se sépara de lui sans rompre la bonne intelligence qui était entre eux, et se retira vers Sodome. Les richesses que tous deux avaient acquises et les fréquents démêlés de leurs bergers les déterminèrent à prendre ce parti, afin d'empêcher que les querelles des serviteurs ne vinssent à jeter la désunion parmi les maîtres. Abraham, voulant prévenir ce malheur, dit à Lot, « Je vous prie, qu'il n'y ait point de différend entre vous et moi, ni entre vos bergers et les miens, puisque nous sommes frères. Toute cette contrée n'est-elle pas à nous? Je suis donc d'avis que nous nous séparions. Si vous allez à gauche, j'irai à droite, et si vous allez à droite, j'irai à gauche. » Genèse 12, 8, 9. Il se peut que la coutume reçue dans les partages, où l'aîné fait les lots et le cadet choisit de là son origine. Chapitre 21. De la troisième apparition de Dieu à Abraham, où il lui réitère la promesse de la terre de Canaan pour lui et ses descendants à perpétuité. Après qu'Abraham et Lot se furent ainsi séparés et que l'un se fut fixé dans la terre de Canaan et l'autre à Sodome, Dieu apparut à Abraham pour la troisième fois, et lui dit « Regardez de tous côtés, autant que votre vue peut s'étendre vers les quatre points du monde, je vous donnerai, avoué à tous vos descendants jusqu'à la fin du siècle, toute cette terre que vous voyez, et je multiplierai votre postérité comme la poussière de la terre. Si quelqu'un peut compter les grains de poussière de la terre, il pourra aussi compter votre postérité. Levez-vous, et mesurez cette terre en long et en large, car je vous la donnerai. » Genèse 12, 14 à 17. On ne voit pas bien si, dans cette promesse, est comprise celle qui a rendu Abraham père de toutes les nations, on peut néanmoins le conjecturer d'après ses paroles. « Je multiplierai votre postérité comme la poussière de la terre. » Expression figurée que les Grecs appellent hyperbole et qui a lieu quand ce qu'on dit d'une chose la surpasse de beaucoup. Qui ne sait combien la poussière de la terre surpasse le nombre des hommes, quel qu'il puisse être, depuis Adam jusqu'à la fin du siècle, et à plus forte raison la postérité d'Abraham, soit la charnelle, soit la spirituelle. En effet, cette dernière postérité est peu de choses en comparaison de la multitude des méchants, et cependant, malgré sa petitesse, elle forme encore un nombre innombrable, d'où vient que l'Écriture la désigne par la poussière de la terre. Mais elle n'est innombrable qu'aux hommes, et non à Dieu, qui sait même le compte de tous les grains de poussière. Ainsi, comme l'hyperbole de l'Écriture est mieux remplie par les deux postérités d'Abraham, on peut croire que cette promesse s'applique à l'une et à l'autre. Voir, contre Faust, livre 22, chapitre 89, l'explication sur Osée, texte de saint Paul. Si j'ai dit que cela n'est pas très clair, c'est que le seul peuple juif a tellement multiplié qu'il s'est presque répandu dans toutes les contrées du monde, de sorte qu'il suffit pour justifier l'hyperbole. Outre qu'on ne peut pas nier que la terre dont il est question ne soit celle de Chanaan. Néanmoins, ces mots, « je vous la donnerai », avouée à vos descendants jusqu'à la fin du siècle, peuvent en faire douter, si, par cette expression, jusqu'à la fin du siècle, on entend éternellement. Mais si on les prend comme nous pour la fin de ce monde et le commencement de l'autre, il n'y a point de difficulté. Bien que les Juifs aient été chassés de Jérusalem, ils demeurent dans les autres villes de la terre de Chanaan et y demeureront jusqu'à la fin du monde. Ajoutez à cela que, quand cette terre est habitée par des chrétiens, c'est la postérité d'Abraham qui l'habite. Chapitre 22. Abraham sauve Lot des mains des ennemis et est béni par Melchizédek. Abraham, après avoir reçu cette promesse, alla demeurer en un autre endroit de cette contrée, près du chêne de Mambré, qui était en Hébron. Genèse 13, 18. Ensuite, les ennemis ayant ravagé le pays de Sodome et vaincu les habitants en bataille rangée, Abraham, accompagné de 318 des siens, alla au secours de Lot, que les vainqueurs avaient fait prisonnier, et le délivra de leurs mains après les avoir défaits, sans vouloir rien prendre des dépouilles que le roi de Sodome lui offrait. C'est en cette occasion qu'il fut béni par Melchizédek, Genèse 14, 1 à 20, prêtre du Dieu souverain, dont il est beaucoup parlé dans l'Épître aux Hébreux, que plusieurs disent être de Saint Paul, ce dont quelques-uns ne tombent pas d'accord. On vit là pour la première fois le sacrifice que les chrétiens offrent aujourd'hui à Dieu par toute la terre, pour accomplir cette parole du prophète à Jésus-Christ, qui ne s'était pas encore incarné. Vous êtes prêtre pour jamais selon l'ordre de Melchizédek. Psaume 109, 5. Il ne dit pas selon l'ordre d'Aaron, lequel devait être aboli par la vérité dont ses ombres étaient la figure. Note. Marcion, Basilide et plusieurs autres hérétiques niaient l'authenticité de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 23. Dieu promet à Abraham que sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles, et la foi d'Abraham aux paroles de Dieu le justifie, quoique non circoncis. Dieu parla encore à Abraham dans une vision, Genèse 15, 1. Et l'assura de sa protection et d'une ample récompense, et comme Abraham se plaignit à lui qu'il était déjà vieux, qu'il mourait sans postérité, et qu'Éliézer, l'un de ses esclaves, serait son héritier, Dieu lui promit qu'il aurait un fils, et que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, par où il me semble que Dieu voulait spécialement désigner la postérité spirituelle d'Abraham. Que sont, en effet, les étoiles, pour le nombre, en comparaison de la poussière de la terre, à moins qu'on ne veuille dire qu'il y a ici cette ressemblance qu'on ne peut compter les étoiles et que l'on ne saurait même toutes les voir. On en découvre la vérité d'autant plus qu'on a de meilleurs yeux, mais il résulte précisément de là qu'il en échappe toujours quelques-unes aux plus clairvoyants, sans parler de celles qui se lèvent et se couchent dans l'autre hémisphère. C'est donc une rêverie de s'imaginer qu'il y en a qui ont connu et mis par écrit le nombre des étoiles, comme on le dit d'Aratus et de Xode, et l'Écriture sainte suffit pour réfuter cette opinion. Au reste, c'est dans ce chapitre de la Genèse que se trouve la parole que l'apôtre rappelle pour relever la grâce de Dieu. Abraham crut Dieu, et sa foi lui fut imputée à justice. Genèse 15, 6, Romains 4, 3, et Galates 3, 6. Et il prouve par là que les Juifs ne devaient point se glorifier de leur circoncision, ni empêcher que les incirconcis ne fussent admis à la foi de Jésus-Christ, puisque, quand la foi d'Abraham lui fut imputée à justice, il n'était pas encore circoncis. Chapitre 24. Ce que signifie le sacrifice que Dieu commanda à Abraham de lui offrir, quand ce patriarche le pria de lui donner quelques signes de l'accomplissement de sa promesse. Dans cette même vision, Dieu lui dit encore, « Je suis le Dieu qui vous ai tiré du pays des Chaldéens, pour vous donner cette terre et vous en mettre en possession. » Sur quoi, Abraham lui ayant demandé comment il connaîtrait qu'il la devait posséder, Dieu lui répondit, « Prenez une génisse de 3 ans, une chèvre et un bélier de même âge, avec une tourterelle et une colombe. » Abraham prit tous ces animaux, et, après les avoir divisés en 2, mit ses moitiés vis-à-vis l'une de l'autre, mais il ne divisa point les oiseaux. Alors, comme il est écrit, les oiseaux descendirent sur ses corps qui étaient divisés, et Abraham s'assit auprès d'eux. Sur le coucher du soleil il fut saisi d'une grande frayeur qui le couvrit de ténèbres épaisses, et il lui fut dit. Sachez que votre postérité demeurera parmi des étrangers qui la persécuteront et la réduiront en servitude l'espace de 400 ans. Mais je ferai justice de leurs oppresseurs, et elle sortira de leurs mains, chargée de dépouilles. Pour vous, vous vous en irez en paix avec vos pères, comblés d'une heureuse vieillesse, et vos descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car les Amoréens n'ont pas encore comblé la mesure de leurs crimes. Comme le soleil fut couché, une flamme s'éleva tout à coup et l'on vit une fournaise fumante et des brandons de feu qui passèrent au milieu des animaux divisés. Ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham et lui dit « Je donnerai cette terre à vos enfants, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Je leur donnerai les Cénéens, les Cénézéens, les Sédmonéens, les Sétéens, les Phérézéens, les Raphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Évéens, les Gergéséens et les Jébuséens. » Genèse 15, 7 à 21. Voilà ce qui se passa dans cette vision, mais l'expliquer en détail nous mènerait trop loin et passerait toutes les bornes de cet ouvrage. Il suffira de dire ici qu'Abraham ne perdit pas la foi dont l'Écriture le loue, pour avoir dit à Dieu, « Seigneur, comment connaîtrais-je que je dois posséder cette terre ?» Il ne dit pas, « Comment se pourra-t-il faire que je la possède ?» comme s'il doutait de la promesse de Dieu, mais, « Comment connaîtrais-je que je dois la posséder ?» afin d'avoir quelques signes qui lui fit connaître la manière dont cela devait se passer. De même que la Vierge Marie n'entra en aucune défiance de ce que l'ange lui annonçait, quand elle dit « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ?» Luc 1, 34. Elle ne doutait point de la chose, mais elle s'informait de la manière. C'est pourquoi l'ange lui répondit « Le Saint-Esprit surviendra en vous. » Et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Luc 1, 35. Ici, de même, Dieu donna à Abraham le signe d'animaux immolés, comme la figure de ce qui devait arriver et dont il ne doutait pas. Par la génisse était signifié le peuple juif soumis au joug de la loi, par la chèvre, le même peuple pécheur, et par le bélier, le même encore régnant et dominant. Ces animaux ont 3 ans, à cause des 3 époques fort remarquables, depuis Adam jusqu'à Noé, depuis Noé jusqu'à Abraham, et depuis Abraham jusqu'à David, qui, le premier d'entre les Israélites, monta sur le trône par la volonté de Dieu après la réprobation de Saül. Dernière époque durant laquelle ce peuple prit ses plus grands accroissements. Que cela figurait ce que je dis, ou toute autre chose, au moins ne doutais-je point que les hommes, spirituels ne soient désignés par la tourterelle et par la colombe, d'où vient qu'il est dit qu'Abraham ne divisa point les oiseaux. En effet, les charnels sont divisés entre eux, mais non les spirituels, soit qu'ils se retirent du commerce des hommes, comme la tourterelle, soit qu'ils vivent avec eux, comme la colombe. Quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre de ces deux oiseaux est simple et innocent, et ils étaient un signe que, même dans ce peuple juif, à qui cette terre devait être donnée, il y aurait des enfants de promission et des héritiers du royaume et de la félicité éternelle. Pour les oiseaux qui descendirent sur ces corps divisés, ils figurent les malins esprits, habitants de l'air et toujours empressés de se repaître de la division des hommes, charnels. Abraham, venant s'asseoir auprès d'eux, signifie que, même au milieu de ces divisions des hommes, charnels, il y aura toujours quelques vrais fidèles jusqu'à la fin du monde. Par la frayeur dont Abraham fut saisi vers le coucher du soleil, entendez que, vers la fin du monde, il s'élèvera une cruelle persécution contre les fidèles, selon cette parole de notre Seigneur dans l'Évangile. La persécution sera si grande alors, qu'il n'y en a jamais eu de pareil. Matthieu 24-21. Quant à ces paroles de Dieu à Abraham, sachez que votre postérité demeurera parmi des étrangers qui la persécuteront et la tiendront captive l'espace de 400 ans. Cela s'entend sans difficulté du peuple juif qui devait être captif en Égypte. Ce n'est pas néanmoins que sa captivité ait duré 400 ans, mais elle devait arriver dans cet espace de temps. De même que l'Écriture dit de Taré, père d'Abraham, que tout le temps de sa vie à Cara fut de 205 ans, Genèse 11, 32, non qu'il ait passé toute sa vie en ce lieu, mais parce qu'il y acheva le reste de ses jours. Au reste, l'Écriture dit 400 ans pour faire un compte-rond, car il y en a un peu plus, soit qu'on les prenne du temps que cette promesse fut faite à Abraham, ou du temps de la naissance d'Isaac. Ainsi que nous l'avons déjà dit, depuis la 75e année de la vie d'Abraham que la première promesse lui fut faite, jusqu'à la sortie d'Égypte, on compte 430 ans, dont l'apôtre parle ainsi. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ayant contracté une alliance avec Abraham, la loi, qui n'a été donnée que 400 ans après, ne l'a pu rendre nulle, ni anéantir la promesse faite à ce patriarche. Galates 3:17. L'Écriture a donc fort bien pu appeler ici 400 ans ces 430 ans. Outre que depuis la première promesse faite à Abraham jusqu'à celle-ci, 5 années s'étaient déjà écoulées, et 25 jusqu'à la naissance d'Isaac. Ce qu'elle ajoute que le soleil étant déjà couché, une flamme s'éleva tout d'un coup, et que l'on vit une fournaise fumante et des brandons de feu qui passèrent au milieu des animaux divisés. Cela signifie qu'à la fin du monde les charnels seront jugés par le feu. De même, en effet, que la persécution de la cité de Dieu, qui sera la plus grande de toutes sous l'Antéchrist, est marquée par cette frayeur extraordinaire qui saisit Abraham sur le coucher du soleil, symbole de la fin du monde, ainsi ce feu, qui parut après que le soleil fut couché, marque le jour du jugement qui séparera les hommes, charnels que le feu doit sauver, de ceux qui sont destinés à être damnés dans ce feu. Enfin, l'alliance de Dieu avec Abraham, signifie proprement la terre de Chanaan, où 11 nations sont nommées depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Or, par le fleuve d'Égypte, il ne faut pas entendre le Nil, mais un petit fleuve qui la sépare de la Palestine et passe à Rhinocorur. Note. 11 nations, suivant les 70, car la Vulgate et le texte hébreu nomment 10 nations seulement. Rhinocorur, ou Rhinocolur, ville située sur les confins de l'Égypte et de l'Arabie. Voyez Diodore de Sicile, livre 2, chapitre 62. Chapitre 25. D'Agar, servante de Sarah, que Sarah donna pour concubine à son mari. Viennent ensuite les enfants d'Abraham, l'un de la servante Agar, et l'autre de Sarah, la femme libre, dont nous avons déjà parlé au livre, 15e, chapitre 3. En ce qui touche les rapports d'Abraham avec Agar, on ne doit point les lui imputer à crime, puisqu'il ne se servit de cette concubine que pour en avoir des enfants, et non pour contenter sa passion, et plutôt pour obéir à sa femme que dans l'intention de l'outrager. Elle-même crut en quelque façon se consoler de sa stérilité en s'appropriant la fécondité de sa servante, et en usant du droit qu'elle avait en cela sur son mari, selon cette parole de l'apôtre, « Le mari n'est point maître de son corps, mais sa femme. » 1 Corinthiens 7, 4. Il n'y a ici aucune intempérance, aucune débauche. La femme donne sa servante à son mari pour en avoir des enfants, le mari la reçoit avec la même intention, ni l'un ni l'autre ne recherche le dérèglement de la volupté, ils ne songent tous deux qu'aux fruits de la nature. Aussi, quand la servante devenue enceinte commença à s'enorgueillir et à mépriser sa maîtresse, comme Sarah, par une défiance de femme, imputait l'orgueil d'Agar à son mari, Abraham fit bien voir de nouveau qu'il n'était pas l'esclave, mais le maître de son amour, qu'il avait gardé, en la personne d'Agar, la foi qu'il devait à Sarah, qu'il n'avait connu la servante que pour obéir à l'épouse, qu'il avait reçu dès l'Agar, mais qu'il ne l'avait pas demandé, qu'il s'en était approché, mais qu'il ne s'y était pas attaché, qu'il avait engendré, mais qu'il n'avait point aimé. Il dit en effet à Sarah, « Votre servante est en votre pouvoir, faites-en ce qu'il vous plaira. » Genèse 16, 6. Homme, admirable, qui use des femmes comme un homme, en doit user, de la sienne avec tempérance, de sa servante avec docilité, et chastement de l'une et de l'autre. Mark M. Dan, archive.org, 2019, d'après abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.